Alors, on m'a demandé de faire l'introduction de cette discussion. Donc, je me présente, j'imagine, j'espère que vous êtes déjà présenté entre vous. Donc, moi, c'est Michael, je fais du GN depuis un peu moins de 10 ans. Je fais plein de jeux d'avant et notamment, actuellement, je travaille à l'université dans un game lab où on teste des trucs ludiques pour faciliter l'apprentissage. Et puisque je suis à l'université, quand je me suis dit que j'ai voulu m'approprier le sujet c'est quoi la liberté des PJ en GN, comme je suis à l'université, je me suis dit que j'allais quand même un peu faire des recherches dessus. Et donc ça veut dire que j'ai passé quelques heures à faire des recherches intensives de méthodique, parce que je fais les choses toujours pas à moitié. Du coup, je vais, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à mettre des messages sur le texte, enfin sur le chat texte, je lirai. Je vais faire une petite parenthèse scientifique sur la notion de libre arbitre, de créativité, sur le facteur chaos en fait, comme on l'appelle parfois en GN, et qui est débattu depuis la nuit des temps sur faut-il laisser la liberté aux joueurs, aux joueuses, ou pas, ou si, ou non, etc. Alors notamment en mathématiques, par exemple, mais en philosophie, en statistique et en pas mal d'autres disciplines, on a le concept d'émergence. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers ou familières avec ça, mais en gros, l'émergence, c'est dans un système. Donc là, ici, c'est un jeu. Un jeu est un système, c'est un ensemble. Dans un système, il y a des règles. Et ces règles simples, ces règles pourtant simples, produisent des choses inattendues, ou du moins difficilement prédictibles. Donc un exemple avec un jeu que j'espère tout le monde connaît, le Morpion. Tic-tac-toe en anglais, il faut mettre des croix et des ronds dans un petit tableau. Donc dans ce jeu, il y a des règles très simples, et pourtant ça fait plus de 50 000 combinaisons possibles. Donc il y a un nombre limité de possibilités, mais c'est difficile à prédire. Donc c'est la différence aussi avec le véritable chaos, parce que le chaos, c'est un nombre quasi illimité de possibilités. J'ai un peu du mal avec le push-to-talk. Donc dans le jeu vidéo, on s'est mis à parler pas mal d'émergence. Donc plus spécifiquement, on en parle souvent pour les mécaniques d'un jeu. Les mécaniques d'un jeu, c'est les règles du jeu, les possibilités d'interaction entre la personne qui joue le jeu et le jeu. Est-ce que je peux cliquer là-dessus, ou est-ce que je peux jeter le dé à mon tour, ou est-ce que je dois attendre et faire un saut sur place, ou dans un GN, l'épée fait un point de dégâts, le bâton fait 2 points de dégâts. C'est une mécanique du jeu, ça influence tout le reste du jeu. Et l'émergence, on en parle aussi pour la narration du jeu, donc l'histoire, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de la personne qui joue. J'imagine que les personnes qui sont ici ont déjà fait des GN et donc savent que clairement c'est super subjectif ce qui se passe dans la tête des gens dans un GN parce qu'on n'a pas vécu la même aventure. L'émergence, on en parle dans la mécanique et dans la narration. Donc je vais donner quelques exemples en jeu vidéo, mais gardez à l'esprit que tous ces exemples, en fait, ça peut être complètement appliqué au jeu de rôle dans la nature. Alors, dans Quake, par exemple, les anciens et les anciennes connaissent, on pouvait faire des rocket jump. C'est-à-dire que, y avait un lance-grenade, et avec ce lance-grenade, on pouvait tirer à nos pieds et avancer et sauter beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. C'était pas prévu, mais c'était utile. Donc ça, c'est une émergence de mécanique de jeu. C'est quelque chose qui a été utile, utilisé pas mal dans les speedruns, notamment. Les speedruns, c'est compléter un jeu le plus rapidement possible. C'est une sorte de compétition. Donc tu finissais le plus vite possible Zelda. Alors c'est un jeu avec une histoire et tout, mais tu finissais le plus vite possible. Donc c'est un détournement des mécaniques. Et donc c'est une façon que le jeu a d'être émergence dans sa manière d'être joué. Parce que j'espère que c'est clair. Un autre exemple encore, dans Dishonored, qui est un jeu un peu plus récent, mais quand même assez ancien, on pouvait placer des mines, et on pouvait aussi contrôler des rats. Et des gens qui se sont dit, bah, je vais associer les deux, je vais mettre des mines sur les rats, et je vais envoyer le rat se faire exploser sur les gardes, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un exemple voilà, de la créativité des personnes qui jouent sur quelque chose qui n'était pas prévu à la... Donc ça, c'est un exemple d'émergence involontaire. Ce n'était pas prévu par les personnes qui ont conçu le jeu. Un exemple d'émergence intentionnelle, par contre, volontaire, dans la mécanique de jeu, ça serait Dishonored 2, qui a intégré la possibilité d'équiper directement les rats avec des mines. Donc c'est de la cruauté animale en 3D. Et donc, enfin voilà, y a ça comme exemple de manière intentionnelle. Il y a aussi dans GTA, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient avec l'inertie des voitures et des avions. Et donc ça a donné la collection de cascades qu'on a en vidéo où quelqu'un saute d'un avion, prend une voiture et finit dans un parachute à travers la statue d'un donut. Voilà, que j'imagine tout le monde a vu. Ou pas, peut-être pas. Ça donne finalement aussi les jeux comme Fortnite où avec entre les capacités d'un personnage, donc, règle simple, son groupe, la possibilité de construire des structures, tout ça, ça permet de faire enfin, ça permet une énorme variété d'actions et de combos qui sont imprévus ou en tout cas difficiles à prédire. C'est pas possible pour une personne voyant ces règles de dire voilà toutes les possibilités. De combo. Alors même le rôliste D&D le plus aguerri ou la plus aguerrie ne peut pas le faire. Et c'est dire. Donc dans les jeux vidéo, l'émergence elle s'exprime encore mieux dans leur narration. Donc un exemple qui me tient à cœur d'émergence en narration dans les jeux vidéo, c'est sur Team Fortress, un moment de pur fun amical. Il y a une animation qui permet de danser, qui généralement est utilisée au début. Du match, avant de commencer à se poutrer la gueule, on danse. Et il y a des gens qui ont commencé à danser pendant le match, et d'autres personnes qui s'arrêtent de tuer les autres pour commencer à danser, et tout le monde finit par suivre, et c'est pas un comportement qui est attendu ou encouragé par le jeu. Ça, c'est un bon exemple. Ou il y a d'autres jeux, comme les Sims, qui permettent de créer sa propre histoire avec des solutions inattendues à des problèmes, comme par exemple j'aime pas tel voisin et il n'arrête pas de venir me faire chier, je vais le mettre dans ma piscine et retirer l'échelle. Ou de manière un petit peu plus voulue, dans Hitman, il y a la possibilité de tuer une personne, c'est un jeu d'assassinat, la possibilité de tuer une personne tellement de manières différentes possibles, de manière. De plein de manières possibles. Et même, certaines manières sont prévues, certaines manières complètement improbables sont prévues par les gens qui ont conçu le jeu et sont récompensées. Bref, au final, merci. C'est une question de complexité. Donc, en game design, ça donne lieu à pas mal de débats. Donc, par exemple, on parle de walking simulator, des simulateurs de marche à pied, pour certains jeux parce qu'ils sont extrêmement linéaires et très peu complexes. Dans les escape games, les jeux d'évasion, donc où il faut sortir d'une salle en résolvant des énigmes, c'est un gameplay qui est donc des règles de jeu qui sont très très limitées. Le nombre d'interactions est très limité. On n'a pas le droit de faire ça, ça, ça, ça, ça, de manière à rendre plus accessible quelque part une immersion ludique qu'on pourrait avoir dans un parc d'attractions ou dans un GN. Finalement, il y a des jeux vidéo ou GN d'ailleurs. Sont appelés sandbox, donc bac à sable, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dedans. Ils sont constitués de l'émergence de l'émergence causée par les personnes qui jouent. Donc, ils sont constitués de tout ce que les joueurs-joueuses apportent au jeu. Donc, en jeu de rôle dans la nature, on utilise des interfaces humaines, de toute façon. Donc, on n'est pas dans un jeu vidéo. Puisqu'on utilise des interfaces humaines, par nature, ce sont des systèmes complexes forts qui permettent donc l'émergence. Le GN, c'est la création d'une histoire en commun. Et c'est une création qui est influencée par des millions de facteurs, sociaux notamment. C'est ce qui permet à nos expériences d'être, enfin, de correspondre à la définition de l'émergence par Jeremy Campbell, qui est de créer des moments variés, inédits et surprenants. Donc, à chaque fois en GN que vous entendez une théorie sur la conspiration reptilienne d'un PNJ que vous aviez envoyé en tant qu'orga juste pour vider les toilettes sèches, c'est de l'émergence. Si les PJ commencent à se tenir la main et à chanter pour un rituel de la fin du monde sur votre GN romanesque diplomatique, c'est de l'émergence. Si vous voyez un PJ expliquer à l'équipe d'orga que c'est elle qui se trompe dans les règles, c'est probablement de l'émergence. Probablement. Bref, du coup, ça nous amène tout ça au jeu de rôle dans la nature et à tous ces moments d'émergence qu'on connaît, à ce facteur chaos qu'on connaît, tout le monde l'a vécu à un moment ou à un autre, ce moment parfois même what the fuck, où on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un hygiéniste américain qui a essayé du point de vue des orgas, on est à 12 minutes, c'est ça, du point de vue des orgas, qualifié 4 types d'émergence. Il a qualifié ces 4 types. Alors, il y a l'émergence cultivée. L'émergence cultivée, c'est le jeu est dans le moment de jeu, pardon, est dans les thèmes, dans l'esthétique et dans les intentions prévues par l'orgue. Donc là, c'est ce qui se passe de manière normale, on va dire. L'émergence non cultivée, c'est que un joueur ou une joueuse va apporter un moment de jeu qui reste à peu près dans les limites du jeu, mais il est inattendu et surprenant. C'est généralement ce qu'on veut encourager en tant qu'orga. Et là, il y a l'émergence divergente, qui est ce moment de jeu, il sort clairement des limites du jeu prévu par le jeu, et ça peut même carrément déraper. C'est le moment où, Agen Cthulhu, tout le monde commence à faire des blagues sur les tentacules, et des choses comme ça, et l'ambiance du jeu peut carrément déraper. Et finalement, l'émergence déchaînée, c'est le jeu qui dégénère jusqu'à potentiellement poser des soucis de sécurité. C'est un peu comme cette personne qu'on va appeler Jerry, qui se jette dans l'eau de la Douve pour aller chercher l'anneau unique, alors que, concrètement, jamais personne chez les orgas n'avait créé d'intrigue sur l'anneau unique. Mais bon, il a plongé, etc. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça. Du coup, au final, ça nous fait dire qu'il y a des émergences qu'on va... je recommence. Des émergences qu'on va éviter, des émergences qu'on va désirer. Evan Turner, donc l'américain hygiéniste, définit une émergence désirée de cette manière. Elle est à la fois inattendue, c'est une émergence à la fois, mais elle suit l'accord implicite qui a été passé entre Orga et PJ sur l'intention et les thèmes du jeu, sans pour autant dégénérer jusqu'à un danger physique, mental ou légal. Donc voilà, ça garde le contrat moral Orga-PJ, mais ça ne dégénère pas. En fait, moi je dirais même que c'est peine perdue d'essayer de contrôler cette émergence. C'est même impossible d'essayer d'empêcher cette réponse créative à un terrain de jeu aussi fertile qu'est le jeu de rôle grande nature. Et même que parfois le meilleur moment d'un jeu peut venir du détournement de ce jeu. Du coup, ça nous amène à des questions. Ça tombe bien parce que je vais pas parler pendant... Du coup, je vais vous proposer 3 questions pour débattre ce soir. La première, c'est jusqu'où accepter l'émergence. Autrement dit, ces PJ casse-gonades qui sont venus avec des idées farfelues et qui inventent des intrigues qui n'existent pas et qui détournent le jeu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les muselle? Est-ce qu'on les récompense? Est-ce qu'on fait un peu des deux? Dans quel cas on fait l'un? Dans quel cas on fait l'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on accepte l'émergence? Ensuite, parce que je suis un troll, je vous proposerai de parler des cas où le détournement de GN, le vrai détournement de GN, donc le LARP hacking, le piratage des gènes, c'est donc une émergence consciente cette fois, dans quel cas ça s'avère utile, voire nécessaire. Donc ça c'est un petit peu du troll, les orgas vont devoir se boucher les oreilles à ce moment-là, mais bon, on va essayer de faire ça dans la bienveillance quand même. Et finalement, je vous proposais de réfléchir ensemble sur quelque chose de plus concret, c'est-à-dire des techniques à adopter pour encourager certaines formes d'émergence et en décourager d'autres. J'ai même un exemple concret sur un GN qui vient l'été prochain où on va essayer de générer de l'émergence. Donc, un, jusqu'où accepter l'émergence. Deux, détournement d'émergence. Adopter ou décourager. Et pour que tout le monde puisse parler, en plus des règles classiques du live scène qui sont normalement épinglées, en plus de ces règles classiques, je vous propose de limiter vos réponses le plus possible. Donc essayez de parler à une minute max, pas plus, parce que comme ça tout le monde peut parler. Si on fait le calcul, tout le monde pourra parler. Essayez d'utiliser des exemples, d'accord, mais ne racontez pas forcément vos anecdotes de GN, en tout cas pas ce soir. L'idée c'est voilà, de ne pas partager toutes nos anecdotes, mais d'être super concret sur ces sujets-là. Dernier point, c'est un truc que je dis à chaque fois qu'il y a des prises de parole. Si vous pensez avoir souvent la parole dans la vie ou ce soir, essayez de la laisser le plus possible aux personnes qui l'ont moins souvent. N'hésitez pas à laisser du silence. Bon, je fais partie des personnes qui parlent beaucoup, mais comme je voyais personne se lancer, je propose de commencer donc sur la première question, jusqu'où accepter l'émergence. Je pense que c'est quelque chose qui doit être défini dans le pacte social en amont du jeu. C'est ce pacte qui est à la fois défini par la note d'intention, plus par éventuellement par des ateliers en début de jeu pour définir sur quel type de jeu on est, quel type d'ambiance on a, et donc si on a un certain type d'ambiance, eh bien les émergences qui vont contre cette ambiance, elles ne seront pas acceptées. Enfin voilà, c'est quelque chose à définir en amont et qui constitue un pacte entre tous les participants du GN, orga comme joueur et joueur. Du coup, donc moi, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'où autoriser l'émergence et quelles limites y mettre. Alors, à mon avis, la seule limite qu'on devrait mettre à l'émergence, ben, c'est les autres joueurs, en fait. Je suis partisan de l'adage, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, d'après moi, on peut autoriser les joueurs à faire un peu tout ce qu'ils veulent tant que ça n'entrave pas le plaisir de jeu des autres joueurs. Et tant que ça, bien sûr, tant que ça n'entre pas en contradiction avec les règles de sécurité. Et du moment, enfin, le GN, c'est du jeu de rôle par la nature, donc il y a jouer dedans, donc il y a le principe de jouer. Donc à partir du moment où tout le monde profite du GN et où tout le monde s'amuse, il n'y a pas trop de raison de mettre des limites à l'émergence des joueurs, je pense. Voilà, sauf si on a une volonté plus narrativiste où les orgas veulent vraiment raconter une histoire. C'est quelque chose d'un petit peu différent, mais sinon. Sinon, tant que ça gêne pas les autres joueurs, voilà. Je laisse la parole à la prochaine personne. Sans, même en-delà du côté narrativiste, la limite, c'est ne pas gâcher le plaisir de jeu des autres joueurs et joueuses, c'est quelque chose de flou. Mais donc, si les autres joueurs et joueuses sont venus pour un certain type de jeu, détourner le jeu risquerait de gâcher le plaisir de jeu de ceux et celles qui sont venus pour ce qui a été annoncé. Mais au-delà de ça, ça me semble quelque chose d'assez difficile à définir. Dans un jeu, comme justement il y a beaucoup de liberté, beaucoup d'émergence, qu'est-ce qui peut gâcher le plaisir de jeu des autres, ce n'est pas facile à définir. Je voulais dire, du coup, je pense que par rapport à l'émergence, ce qui est aussi important de savoir, c'est de traiter ça vraiment au cas par cas en fonction du type de GN. Par exemple, l'émergence aura une plus grosse influence si c'est vraiment quelque chose de 10 joueurs que si c'est quelque chose dans un masse-lar, par exemple, de 300, 400 joueurs. Et je pense que c'est ouais, quelque chose à prendre en compte aussi. La question de l'émergence, ça se pose aussi en premier lieu la question du type de jeu qu'on veut créer. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Là, je pense qu'on est un peu en train de patauger sur la question de que faire de l'émergence, parce que effectivement, si on est sur un jeu avec sur un modèle d'orga auteur ou autrice avec une intrigue très bien ficelée, des interactions entre personnages préécrites ou du moins des histoires très riches, etc. L'émergence peut être quelque chose de dangereux qui va remettre en question la structure du jeu. Par exemple, dans le cas où on se retrouve avec un joueur ou une joueuse qui oublie certains aspects du background de son perso et qui va improviser totalement dessus. Dans certains jeux, comme des jeux plus ouverts, des mass-larf, des choses comme ça, ça peut être une super plus-value que d'être capable d'improviser sur les relations entre persos. Dans un jeu de type romanesque, où on se retrouve avec... avec des personnages qui ont une histoire commune écrite sous le modèle quasiment d'un roman, cette même liberté peut poser problème. Il y a plein de types d'émergences différentes, ce qui fait que c'est compliqué et c'est difficile de les définir dans le cadre d'un GN. C'est vraiment quelque chose qui est, qui reste complètement à explorer, à mon sens. Mais elle est présente sur des masses LARP, et elle peut faire déraper un gène sur un masse LARP, tout comme sur un gène romanesque. Je vais essayer de définir ça, définir l'émergence rapidement pour répondre à Dominique Lamy. C'est quand tu mets des... en fait, c'est tout moment où dans un gène, le jeu va plus loin que ce qui était prévu. Voilà. Donc, dans le cadre d'un mass LARP, par exemple, ça va être effectivement... on va laisser beaucoup de place à la co-création de personnages, de l'univers, et on va laisser beaucoup de marge là-dessus pour permettre justement une émergence d'intrigues qui interpersonnelles, etc. Mais imagine qu'il y a un scénario de la fin du monde et que des personnes qui jouent arrivent avec une intrigue qui va surpasser cette intrigue principale, cette fameuse intrigue principale, et qui va casser tout ce moment-là où tu avais prévu des feux d'artifice et tu avais prévu des monstres, etc. C'est un exemple où ça peut ruiner un GN Master, par exemple. Pour répondre à Axel, moi, ce que j'ai compris, peut-être en simplifiant un peu, de ce que tu disais, les GN très écrits, très scénarisés seraient moins propices à l'émergence que des gros GN ouverts. Et ça, en fait, c'est une idée avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, parce que cela dépend beaucoup aussi de la façon de fonctionner des individus. Moi, par exemple, dans un cadre de liberté totale, je ne sais pas quoi faire, donc je ne vais pas faire d'émergence, alors que dans un cadre défini, là je vais pouvoir imaginer des combinaisons entre les différentes histoires, des réactions imprévues, et finalement c'est de la contrainte naît la liberté, car ces contraintes fournissent un stimuli qui va encourager la créativité. Ensuite, ça dépend beaucoup des façons de penser des individus. Il y a des gens qui préfèrent avoir une liberté totale, mais ce n'est pas le cas pour tout. Juste pour répondre rapidement, effectivement, c'est pas ça que je disais, c'était plutôt... je parlais des dangers potentiels de l'émergence. La question, c'était qu'est-ce qu'on fait de l'émergence et l'argument, c'était qu'en fait, c'est au cas par cas. Et effectivement, j'ai pris l'exemple du romanesque dans le sens où les différents types d'émergence ne sont pas compatibles avec les mêmes types de jeux et ne sont pas souhaitables dans les mêmes types de jeux. Mais c'était juste un exemple comme ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ok, je voulais juste noter du coup, parce qu'on parlait donc pour l'émergence d'événements imprévus pour en gâcher quelque chose de prévu, et qu'on faisait ensuite la liste de différents gènes, donc le gène très structuré et le gène libre. Est-ce que justement, du coup, dans le gène très structuré, c'est là où ça devient vraiment un problème, l'émergence, parce que du coup, ça gâche des trucs qui sont prévus, que pour le gène libre, où au final, on s'y attend un peu à ce que ça arrive, ça. Je pense que dans le gène libre, justement, il faut savoir prévoir l'imprévisible. Sur l'émergence dans les gènes, sur les gènes où il y a une structure plus approfondie du gène, les gènes normes spécifiquement, là-dessus, tout à l'heure, Gilles qui parlait de l'émergence cultivée, l'émergence non cultivée, les gènes romanesques, au final, l'émergence qui peut être bénéfique, c'est l'émergence qui va coller à l'ambiance, enfin, et au cadre du gène. Alors que si on conserve une émergence qui ne colle plus du tout au truc, ça va là pour casser la structure du gène. Donc, le gène plus libre va être plus moyen fragile sur des trucs qui vont trop sortir du cadre du gène. Donc là, on parle de type de jeu et on dirait qu'un certain type de jeu serait plus élastique ou en tout cas plus souple face à des situations imprévues. Je m'interroge sur est-ce que c'est le type de jeu qui veut ça, est-ce qu'il existe vraiment des types de jeux, ou est-ce que c'est la culture qui veut ça, c'est-à-dire que dans les gènes type mass LARP, on va avoir une culture de jeu où on va accepter de manière plus souple des nouveautés, mais à la fois est-ce toujours le cas, parce que j'ai connu pas mal de mass LARP où quelqu'un arrivait avec des idées nouvelles. Enfin, je vais le dire, hein, je me souviens sur Candoria, sur le Conan, on arrivait avec des idées nouvelles, on arrivait, bon, bah, je vais, je sais pas, fondre cet objet pour en faire un autre, est-ce que les orgas valident ? Et souvent, en fait, on avait une absence de validation des orgas. Donc, au final, on avait une émergence qui était souvent due à l'ennui aussi. Pas qu'on s'ennuie, mais c'est quelque chose qui est propre à des jeux longs, en fait. C'est on passe du temps à se poser, et du coup, on a des idées farfelues. Mais elle n'est pas encouragée par les orgas, elle n'est pas validée par le jeu. Et en ceci, on est obligé soit de jouer avec d'autres PJ, en ignorant la possible validation orga, soit on est frustré parce qu'il n'y a pas de validation orga. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi, je n'ai pas l'impression forcément que l'émergence soit plus acceptée par les orgas de masse LARP, malgré leur culture plus souple, que par les orgas d'un GN plus structuré qui auraient plus de facilité à dérailler. Je suis entièrement d'accord sur le principe que l'émergence remonte souvent quand justement les gens ne peuvent pas être, soit ne sont pas validés par les orgas, soit ne peuvent pas être validés par les orgas. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir des gènes en fait, où du coup les orgas étaient très occupés. Ce qui fait qu'à côté, en fait, les joueurs ne savaient pas trop quoi faire s'ils n'étaient pas impliqués dans une quête qui était assez générale et qui du coup se créaient eux-mêmes du jeu et qui pouvaient justement facilement dérailler. En fait, moi, le sentiment qui est né de mon expérience forcément restreinte à ce que j'ai vécu, c'est que finalement, sur des jeux dits ouverts et peu structurés, pour faire quoi que ce soit d'un peu original, il faut demander l'autorisation des orgas. Donc finalement, l'émergence est très encadrée. Alors que sur des GN plus écrits, plus structurés, on sait très exactement quelles sont les limites, et dans ces limites, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, au final, moi, je me sens plus libre dans ces jeux-là, où je sais jusqu'où je peux aller. Après, je voulais aussi préciser quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'émergence qui se fait par l'ennui, mais je pense qu'il y a aussi de l'émergence qui peut se créer justement par la peur. Par exemple, notamment l'exemple qui avait été donné en tout début de séance, les gens qui sont dans un gène Cthulhu, qui justement commencent à avoir peur qui, pour se rassurer, font des blagues sur Cthulhu. Et ben à ce moment-là, je pense que justement, ça fait partie de ça, parce que ça a un peu ruiné l'expérience pour les autres joueurs qui justement essaient de rester dans l'ambiance. Mais pour les joueurs qui eux-mêmes ont peur de ce qui se passe, c'est quelque chose qui les rassure, et je pense pas que ce soit non plus quelque chose de vraiment voulu. Donc il faut des safe words, comme d'hab. Après là, on parle de cas où les choses peuvent déraper sur le plan de la sécurité émotionnelle des joueurs. Et après, dans le cas d'émergence, c'est aussi des cas où ça peut déraper d'un autre domaine, donc par exemple dans le fait que c'est le jeu lui-même qui dérape, pas dans le sens où ça se passe mal, mais dans le sens où ce qui devait arriver en jeu n'arrive pas, et au final ça pose problème, mais d'un point de vue purement narratif. Par exemple, je prends un exemple qui est très con, mais dans une murder où on a certains personnages qui ont une arme qui décident de s'en servir dès le début de l'histoire pour éliminer un des autres joueurs, ça pose un problème, parce que du coup, y a un des joueurs qui ne joue plus dès le début, et en plus de ça, si son personnage avait des éléments importants à apporter à l'intrigue, du coup ça fout en l'air la fin de l'histoire. Donc il y a ce problème là aussi qui peut y avoir avec l'émergence, qui est un autre problème qui n'est pas du même genre, qui est pas le même genre de problème, mais qui peut arriver aussi. Justement, est-ce qu'on peut considérer l'émergence, si l'abus de règles de joueurs comme faire partie de l'émergence? Pas dans le sens où ils trichent, mais vraiment où ils ont trouvé des mécanismes de jeu qui s'ajoutent et qui ensemble permettent de faire quelque chose qui risque de ruiner pour l'ambiance du gène pour d'autres joueurs. Après, là, on parle beaucoup d'émergence négative, mais il peut aussi y avoir de l'émergence positive. Il y a des fois des trucs qui n'étaient pas prévus qui permettent de créer des trucs qui sont intéressants pour tout le monde. Par exemple, dans le cas du dernier Rage Noir qu'on a fait, ce qui est donc un jeune, il y a beaucoup de joueurs qui étaient un peu comme un Master, mais un peu petit, Un truc qui était très marrant, mais qui n'était pas prévu, mais qui était très marrant quand même, et qui était sympa, c'était par exemple le moment où un groupe de PNJ, enfin d'orques, a décidé de faire un orchestre devant les PJ. Alors c'est très bizarre, ça m'a l'air un peu idiot, c'était pas prévu, mais c'était marrant et tout le monde a aimé ça. Bon, du coup, je reviens sur ce que je disais il y a deux ans. Sur les mécaniques de les assemblages de mécaniques de jeu qui font quelque chose d'optimisé, les abus de règles entre autres, en fait, c'est exactement le même principe que, comme disait au début de dire pendant l'introduction, le rocket jump de Quake où tu utilises l'explosion de la roquette pour te propulser. C'est pas prévu par le jeu, mais c'est autorisé par les règles. C'est de l'abus de règles techniquement. C'est exactement le même principe que ça. Et c'est compté comme du gameplay émergent. Et ça en est en soi, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai un très bon exemple de ça, justement, qui est dans un GN où il y avait dans les règles, il y avait un petit bug des règles qui permettait un coefficient, un multiplicateur assez important pour le combat à main nue. Et il y a peut-être 2-3 PJ sur un GN à 300, 400 personnes qui ont vu ça et qui se sont dit je vais faire le combattant à main nue le plus fort du jeu. Et du coup, ils sont arrivés sur le jeu et les autres leur disaient mon score de bagarre est de 6. Et eux, ils arrivaient moi, c'est 23. Pardon, mais comment c'est possible? J'ai vu ça dans les règles, ça. Et donc, je suis à 23 au niveau du combat. Et au final, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement exactement comme l'a dit Ludo, c'est un abus. Ça détourne les règles quelque part à leur profit. Sauf que ici, c'était détournable uniquement pour quelque chose qui est relativement roleplay et qui apporte pas mal de jeux, c'est-à-dire le combat à main nue. Et du coup, ça leur a donné un grand kiff pendant tout leur jeu de passer parmi les groupes et de dire « je défie votre meilleur combattant ». Et ça donnait du jeu à tout le monde. En revanche, la réaction de l'équipe d'Orga n'a pas été de se dire « ah, c'est très drôle, continuez ». Elle a été de dire « mais c'est un abus, vous avez abusé d'une faiblesse de notre part sur les règles ». Et donc voilà, au final, on peut parler aussi de la réaction de l'équipe d'Orga face aux innombrables et inévitables abus de leur système de jeu ou de leur thème de jeu, de leur intention de jeu, etc. C'est justement par rapport à le fait de considérer quelque chose comme un abus ou pas, c'est pour ça qu'il est nécessaire de définir l'esprit des règles, dans l'esprit du jeu voulu, bien plus que le système de règles lui-même, afin qu'il y ait un accord commun sur ce qu'on cherche. Comme j'ai choisi des sujets un petit peu relous, parce que c'est moi, bonjour, je vais commencer sur le LARP hacking. On parlait d'abus, et au final, le dernier exemple que j'ai mentionné, c'est peut-être un bon exemple d'abus, quelque part. Est-ce que c'est un abus aussi, comme disait Vandera? Sur le LARP hacking, au final, c'est quand est-ce qu'il est nécessaire, au final, de consciemment décider « je vais rajouter ça comme règle » ou « je vais aller à l'encontre des indications pointées par l'orga » ou « je vais dépasser un petit peu le thème du GN et je vais peut-être aller à l'encontre ainsi, à l'encontre de ce qu'avaient prévu les orgas ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça ou de le faire? On dénonce pas. Alors moi, il y a un cas où j'ai fait quelque chose qui s'en approche selon mes propres critères. C'était sur un jeu dont je savais qu'il allait pas me passionner, où je m'étais inscrite parce que j'étais en manque de GN. En fait, moi, dans les jeux, j'aime bien être vraiment dans l'ambiance. Là, c'était un GN Trône de Fer. Sur un GN Trône de Fer, je dirais que qui s'annonce correspondant à mes critères de qualité, j'ai essayé d'avoir un personnage qui s'inscrit vraiment dans l'ambiance, dans les traditions de l'univers, etc. Sur ce jeu-là, c'est un jeu où les personnes identifiées comme femmes jouaient des personnages féminins. Et je me suis dit, ben, si je joue... je devais jouer une noble. Je me suis dit, si je joue une noble standard, je vais m'emmerder profondément. Parce que dans l'ambiance, à part quelques personnages, les femmes nobles, elles n'ont souvent pas grand-chose à faire. Donc j'ai fait un personnage que je considère comme incohérent, un personnage couteau suisse, qui était une noble, mais qui était aussi une baroudeuse, ce qui m'a permis d'aller fréquenter des gens des bas-fonds à la taverne, ce qui m'a permis de discuter avec des pirates, des choses que si j'avais fait un type de personnage respectant l'ambiance de mon point de vue, je n'aurais pas pu faire. Donc c'était pas un hacking des règles, mais un hacking de ce que moi je considérais comme l'ambiance qu'il doit y avoir sur un jeu comme ça, même si ensuite c'était ma propre vision des choses. Alors ce week-end j'étais à un GN Sandman sur lequel vous m'avez perdu là, pardon. Ouais, ok. Donc je disais, j'étais sur un GN sur lequel je me suis fait chier. C'était un GN Sandman qui se passait dans le tome 4 Season of Mist, où Morpheus a la clé de l'enfer et en fait les dieux sont là pour essayer de récupérer la clé de l'enfer. Et en fait, on se retrouvait dans un jeu où les joueurs et joueuses ont écrit eux-mêmes tout leur personnage et toutes leurs relations. Et où, en fait, très rapidement, ça n'a pas pris, quoi. Donc, on s'est retrouvé sur un truc d'une longueur infinie. Et en fait, finalement, une heure avant la fin du jeu, j'ai fini par moi-même... Bon, je suis allée voir leur gars, je lui ai dit « ça va pas du tout, ça marche pas, et je vais essayer de faire quelque chose, quoi. » Et je me suis mis à un peu tirer les règles du jeu vers moi, utiliser un peu abusivement les pouvoirs que j'étais censée avoir... que j'avais pas utilisé jusque-là, et en fait essayer de foutre le bordel en dernier lieu. Et je me suis retrouvée, alors que j'avais pas l'intention au départ, j'étais pas un personnage qui aurait dû, selon le bon déroulement du jeu, finir avec la clé de l'enfer, bah, j'ai fini avec la clé de l'enfer, parce que j'ai hacké le GN, j'ai par ennui tiré à mon avantage la structure déficiente du jeu. Voilà, c'est juste un exemple pour... voilà. Est-ce que tu dirais, c'est peut-être un peu troll, mais est-ce que tu dirais que quelque part tu as amélioré le jeu malgré son design, malgré la conception du jeu, tu as permis que le jeu soit un peu plus intéressant pour toi? Bah là, je triche un peu parce que je suis allée voir leur gars pour lui dire que ça fonctionnait pas et que j'allais changer. Donc j'avais un peu la complicité de leur gars dans le fait d'essayer de faire ça. Donc oui, dans un certain sens, oui. Mais dans un autre sens, même si pour moi c'était un peu vital parce que je m'emmerdais grave de faire ça, il y a des joueurs et des joueuses que ça a perturbé, que un personnage qu'ils avaient vu qui était un personnage très antagoniste, mais qui ne manifestait pas au départ l'ambition de gagner le jeu, quoi, se retrouvait à la clé. Donc, c'est-à-dire que même si je pense que le jeu avait besoin que quelqu'un décide de ne pas être dans le compromis bisounours, il y a des personnes, des joueurs et des joueuses qui se sont sentis doublés et un peu... qui n'ont pas compris. Donc, d'un côté, je pense que le jeu demandait qu'il y ait une forme d'antagonisme. Et de l'autre, c'est aussi une forme d'émergence qui a causé du trouble, pas forcément de façon positive chez tout le monde. Finalement, moi, la façon dont je vois le détournement de GN, surtout, c'est quand un GN est raté et que les joueurs et joueuses essayent de le prendre en main pour histoire que leur week-end ne soit pas gâché. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des cas où le détournement de GN est intéressant alors que le jeu de base n'est pas raté? Je vais donner deux petits exemples rapidement. Le premier, c'est un GN viking qui a été organisé par le consulat de l'Islande il y a 2-3 ans. C'est un jeu qui était voulu assez sérieux et qui a fonctionné comme ça. Et en fait, on s'est retrouvé une faction PNJ à partir un peu dans notre délire et en fait à être une faction assez axée humoristique. Bon, oui, complètement, on a fait un peu de la merde. Et donc, c'était une émergence qui était un peu en dissonance par rapport au design du jeu, puisque le design se voulait sérieux, mais qui, au final, a été très positif pour tout le monde, malgré le fait que ça ait peut-être un peu trahi le jeu dans un certain sens, ça a eu des impacts positifs. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le gène âge noir dont on parle à chaque fois à la Scénaristory. L'âge noir, c'était un gène qui était censé être axé sur les batailles, les combats, les machins. Et sauf que, dû à des déséquilibres dans les capacités stratégiques des chefs de faction, on s'est retrouvé, au bout de 3 heures de GN, à avoir une faction qui a totalement anéanti les autres. Et à devoir totalement... À constater qu'en fait le design de base qui était très militaire, très noir, machin, n'allait pas du tout fonctionner. De fait, on avait aussi des règles, du lore assez strict sur les religions et sur le fait que c'était pas du tout ok de ne pas avoir la religion officielle. Et 3 heures plus tard, il y avait une sorcière qui était mère du village. Enfin bon, on s'est retrouvé dans une situation où les joueurs et joueuses ont pris le jeu et en ont fait totalement autre chose. Des trolls dans la ville. En tant qu'orga, moi j'étais aide orga, on va dire. En tant qu'orga, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi le mouvement. On a vu ce hacking là et on s'est dit bon ben de toute façon on peut pas lutter contre en fait. Et à un moment donné, il faut y aller avec le flow. Et donc on a pris cette émergence là, enfin ces propriétés émergentes là, et on en a fait, on a fait un autre gène pour la suite, quoi, et on en a fait autre chose. J'avais aussi un autre exemple, c'était un gène Fallout qui s'était passé où en fait il y avait un petit groupe de joueurs qui, grâce à des concours de circonstances et beaucoup d'économies de loot, ont réussi à tuer en 2 minutes la moitié des joueurs. Ce qui fait que le dernier jour, là où généralement il y a toujours une grosse bataille, je pense que vu qu'il y avait beaucoup moins de monde, ça a amplifié justement cet élément survie qui n'était pas du tout qui arrivait du coup par un élément qui n'était pas du tout prévu. Et suite à ce GN, j'en ai tiré la conclusion qu'en fait ça arrive, ce genre de hacking de GN arrive très souvent, mais c'est assez dur quoi qu'il se passe de vraiment que ça contente tout le monde. On en revient au final, à la notion d'intention de jeu, l'intention de la part des orgas quand le jeu est créé et a son caractère implicite ou explicite. Est-ce que ça a été bien communiqué vers les PJ? Est-ce que c'est compris ou est-ce que c'est pas compris? Et si c'est compris, alors est-ce que les PJ vont à l'encontre ou est-ce que les PJ vont dedans et vont exagérer encore plus donc les thèmes du jeu. Question d'intention, au final, c'est ça qui, à mon avis, est vachement important. C'est cette intention et la communication de l'intention, la même intention à la base, aller à l'encontre, ça peut déplaire à des gens. Alors, je ne sais pas si ça entre tout à fait dans la catégorie détournement de GN, mais le jeu que je fais le plus jouer, Le Silence de la Neige, donc est un jeu à secret, donc je ne peux pas trop en dire, j'ai eu 2 fois le cas de personnes qui sont parties, qui ont fait des choses qui étaient pas vraiment dans l'esprit de leur personnage. Il y a une fois, c'était une joueuse qui avait un personnage assez sombre, mais qui, pour des raisons personnelles, n'avait pas envie de le jouer sombre. Mais elle a quand même créé un super jeu en le jouant différemment, donc il y avait un petit peu un détournement dans le sens où elle avait modifié le personnage et pas seulement modifié dans le sens de un personnage change au cours du jeu, ça c'est normal, là elle l'avait modifié plus profond, un peu plus profondément que ça, mais le résultat était vraiment très bien, ça a donné une fin totalement inattendue, mais intéressante pour tout le monde, parce que ben, elle l'a fait de façon, elle l'a fait de façon consciente, mais en étant attentive au plaisir de jeu de tout le monde. Et il y a une autre fois où une personne a joué différemment de son personnage, parce qu'en fait, elle avait pas eu le temps de bien le lire. Et là, par contre, ça a gâché le plaisir de jeu d'une autre personne qui avait une relation forte avec, parce que comme elle l'avait mal lu, eh bien, elle a joué très différemment et ça cassait le jeu pour cette autre personne. Il y a un principe que j'ai souvent entendu dans les GN finlandais et dans d'autres GN nordiques ailleurs qu'en Finlande, c'est si tu n'aimes pas quelque chose dans ton personnage, change. C'est cette idée tu es responsable en tant que joueuse du plaisir que tu prends à jouer, et ce ne sont pas les autres. Selon ce principe-là, qui a été évoqué à plusieurs reprises sur les GN où je jouais, par les orgas dès la présentation, dès le briefing, selon ce principe, l'émergence est la responsabilité des joueurs et joueuses. C'est à elles de créer, d'assumer la part de co-création nécessaire dans le GN, puisque le GN n'est pas un roman, n'est pas une pièce de théâtre, il n'y a pas un auteur ou une autrice, il y a autant d'auteurs et d'autrices que de participants, que ce soit orga, joueurs, etc. Donc voilà. Je pense que la problématique se pose vraiment de façon assez différente selon les types de jeux. Moi-même, sur ce GN, qui est un jeu écrit et à secret, je suis totalement dans une philosophie de co-construction du jeu où il n'y a pas orga d'un côté, joueur et joueuse de l'autre, mais on fait quelque chose tous ensemble. Il y a un certain degré de personnalisation, mais le fait qu'il y ait des secrets fait que les joueurs et joueuses, on attend quand même d'eux qu'ils respectent leur bac et ils ne peuvent pas trop virer certaines parties sans déséquilibrer le jeu, mais c'est toutefois possible pour quelqu'un d'attentif qui peut en effet, comme cette joueuse, modifier tout un axe, mais en faisant attention à ce que ça ne déséquilibre pas le jeu. Sur les jeux nordiques, on est vraiment sur un type de jeu basé sur la construction commune, où en général, il n'y a pas de secret qui s'équilibre entre eux. Donc là, on peut personnaliser nos personnages à l'envi, ça ne va pas créer de déséquilibre. C'est une question que je me demandais, je me posais la question de d'introduire ça dans le débat, mais effectivement, les cultures de jeu vis-à-vis de l'émergence réagissent différemment. Donc, comme vient de le dire Axel, dans les jeux de type nordique, la responsabilité pèse sur chaque personne qui participe de s'amuser, de contribuer au jeu, de co-créer l'histoire. Dans les GN de type français, quel qu'il soit, souvent il revient aux orgas de donner un jeu qui soit riche et qui soit plein d'opportunités de jeu. Donc c'est deux cultures de jeu qui sont très différentes et du coup qui permettent pas forcément le même type d'émergence. Oui, tout à fait. Je dirais qu'en fait, il y a beaucoup de GN nordiques où les grandes lignes de l'histoire sont déjà établies, où la fin est déjà établie, et donc l'émergence, c'est ce qui va se passer entre. Et pour ce qui se passe entre, il y a une grande liberté dans la façon, dans la définition de son propre personnage. Tandis que sur d'autres types de jeux, que ce soit les romanesques ou les GN ludiques, donc les Medfan et autres GN de grande taille ou avec un côté aventure, le cadre est plus défini, mais il y a une liberté par rapport à comment va se conclure le jeu. Ce sont les joueurs et joueuses qui vont décider de comment ça finit, contrairement aux gènes nordiques. Donc, la liberté, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'émergence, mais qui s'en approche, ne se situe pas au même endroit. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les gènes nordiques ont une fin pré-écrite. C'est le cas de certains, mais en fait, beaucoup plus des gènes nordiques en France que des gènes nordiques dans les pays nordiques. Donc, voilà, c'est juste... Du coup, pour les personnes, pour l'auditoire qui est donc sans micro ou au travail et autres, moi aussi, je suis au travail, d'ailleurs. Donc, on peut passer peut-être à la dernière partie, bien que il soit toujours possible de faire dériver le dialogue, puisque c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est vachement bien. En dernière partie, ce que je vous proposais, en fait, c'était de réfléchir à des techniques, qu'elles soient avant le jeu, donc Zandera a mentionné la note d'intention, ou les ateliers, ou pendant le jeu, pour faire quoi? Pour inciter à des solutions créatives, à de l'émergence, à foutre un peu le dawa. Bon, pour l'inciter ou pour l'accepter. Comment l'accepter quand on a un GN dont l'univers pèse 6 mégaoctets de texte? Comment faire pour accepter des solutions créatives de PJ? Comment faire pour contenir celles qu'on désire pas? Donc, quelle technique côté orga ou même côté PJ? Parfois, quelle technique, quels outils on peut mettre en place en rapport avec l'émergence. La question est vraiment assez large, donc n'hésitez pas, c'est de l'ordre du brainstorming, il n'y a pas de mauvaise idée. Bon, donc là, je vais vous raconter ma vie d'orga, parce qu'en fait, ça a été un peu la problématique principale de mon évolution en tant qu'orga, comment favoriser la liberté, l'émergence. Alors, la bonne émergence, on va dire, celle qui ne gâche pas le jeu. Depuis mes tout débuts, puisque j'ai commencé à être orga quasiment, très peu de temps après avoir commencé à être joueuse. En fait, les premiers jeux auxquels j'ai joué, il y avait donc soit des GN bac à sable, où je m'ennuyais parce que je n'étais pas capable de créer mon propre jeu. Je suis une nature un peu introvertie et c'est pas quelque chose de facile pour moi. Mais surtout des jeux, des chroniques vampires, où il y avait beaucoup d'interventions orga avec des gros PNJ et où la vie générale chez les joueurs et joueuses, c'est qu'on avait l'impression d'être spectateur et que le jeu était trop dirigiste. Donc là, j'ai organisé mon premier GN avec une équipe où on a fait, nous aussi, une chronique vampire, mais avec comme but que ce soit vraiment les joueurs et joueuses qui aient le jeu en main, qu'ils puissent, qu'il y ait énormément d'émergence, qu'ils puissent faire emmener le jeu dans la direction qu'ils voulaient. Et pour cela, on n'a mis quasiment aucune intervention orga pendant le jeu. Et ça n'a pas marché. Alors, on était des orgas débutants. Il y avait sans doute plein de trucs qu'on n'avait pas bien mis en place, un manque d'expérience, etc. Mais ce que j'ai retenu, c'est que finalement, ça revenait un peu comme au jeu GN Bac à Sable, même si c'était beaucoup plus écrit. C'est que les joueurs et joueuses ont quand même besoin de stimuli pour que le jeu prenne et pour avoir la possibilité, à partir de ces stimuli, d'improviser, de créer des choses. Donc, la première chose que j'en ai conclu, c'est que de l'événementiel, pas trop dirigiste, mais qui crée, qui rythme le jeu, était une solution pour créer ces stimuli et rythmer le jeu, lancer des sujets et que entre ces événementiels, ben les joueurs et joueuses avaient la liberté ensuite de faire ce qu'ils voulaient. Ça c'était sur des types de jeux que je n'organise plus depuis. Et donc là sur le jeu que je fais le plus jouer, donc le Silence de la Neige, là je suis partie sur quelque chose de différent. Donc je suis de nouveau revenue à l'idée de pas d'intervention orga. C'est un jeu où les orgas sont là uniquement en pot de fleurs, pour faire de l'accompagnement émotionnel si besoin, indiquer où se trouvent les ustensiles de cuisine, et puis c'est à peu près tout. Là j'ai créé une situation de jeu et une situation de mise dans la même pièce de différents personnages, c'est un huis clos, qui est très forte au départ et donc qui va de base provoquer beaucoup de stimuli par le simple fait que les gens soient mis en présence les uns des autres. Et donc, il n'y a pas besoin d'intervention orga. Mais ça, je ne pense que ça ne marche quand même que sur des jeux assez courts. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre que ça marcherait sur des jeux plus longs. Et donc, là, je suis assez satisfaite du résultat, puisque sur les 5 sessions que j'ai organisées, chacune ont fini d'une façon très différente. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que les joueurs et joueuses s'emparent du jeu et en fassent ce qu'ils voulaient. Donc là, c'est finalement un cadre très établi au départ qui permet de donner la liberté après, et au lieu de ma version précédente qui était des événements pour rythmer le jeu. Voilà. Ensuite, sinon, sur des plus petits jeux que j'ai écrits plus récemment, j'ai utilisé un peu l'une et l'autre technique, avec un jeu où il y a un fil scénaristique linéaire, mais qui n'est là que comme prétexte à un autre type de jeu. Donc le jeu, c'est le Dortoir des Papillons. C'est un mini-jeu pour 6 personnages, où il y a donc une petite intrigue mystique, donc assez linéaire, qui fait un peu d'enquête, un peu de mystère. Mais le thème du jeu, c'est l'amitié. Et là, par contre, il y a beaucoup de liberté, énormément. Les joueurs et joueuses sont très libres de faire évoluer leurs amitiés, avec quand même une directive qu'à la fin, ils doivent être tous amis. Et sur un autre jeu, j'ai utilisé la technique de rythmer le jeu. Donc, c'est sur les danses d'une nuit d'été, qui est un jeu en acte. Et donc, dans chaque acte, les joueurs et joueuses sont très libres. Mais chaque acte est annoncé comme ayant une ambiance particulière. Clone a été mentionné. C'est un jeu. Moi, j'y suis pas allé. Donc, s'il y a quelqu'un de Clone, n'hésitez pas à prendre la parole. Clone, c'est un jeu en Belgique où les personnes qui jouent des clones, donc des personnes qui n'ont pour la plupart pas grand souvenir ou aucun souvenir au moment du début de jeu. Et c'est un jeu qui se concentre sur son univers, c'est-à-dire l'univers avance, l'univers est le personnage principal du jeu, il avance quoi que fassent les PJ, et les PJ vivent dedans. Et du coup, c'est totale liberté, c'est un GN bac à sable, comme on disait tout à l'heure, ils inventent des choses, où ils créent leur propre société, où ils créent leur propre organisation, parce que personne ne va le faire pour eux. Donc c'est une manière de faire. Je vais citer 2-3 autres manières de faire qui existent, et n'hésitez pas donc à intervenir si jamais vous voulez en rajouter ou réagir. Il y a donc la personne qui a conçu donc ces quatre types d'émergence, cette perspective-là qui n'est pas parfaite, hein, mais qui a le mérite d'exister. Cette personne également disait, avait créé l'idée de, il y a quatre types d'émergence, on les repère, ensuite on fait des itérations à l'intérieur du jeu pour rappeler ce jeu est à propos de tel thème, il correspond à telle ou telle esthétique ou à telle ou telle intention. Donc c'est un peu comme les événements que Zandera mentionnait, c'est-à-dire qu'au fil du jeu, il y a des occurrences où on rappelle, attention, rappelez-vous, le jeu, c'est à propos de ça. Et il y a émergence, itération, donc rappel du type de jeu, et réincorporation, c'est-à-dire qu'on prend les émergences qui sont apparues et qui sont jugées bénéfiques et on les intègre dans le jeu. Donc clone est vachement bien pour la réincorporation, puisque tout ce qui est fait par les PJ est intégré au jeu directement et validé au fil du temps, puisque le monde continue à évoluer en fonction des actions qui ont déjà été faites. Donc il y a une prise en considération aussi, vous noterez, d'un épisode à l'autre, il y a une prise en considération de cette créativité qu'ont eue les PJ. Et donc le fait de faire des événements réguliers, c'est un petit peu de l'itération. Et je vais vous donner un dernier exemple. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec notamment des personnes qui étaient présentes ici, qui ne le sont plus, qui est pour un GN en 2019. On est en train d'essayer d'appliquer notre propre version de ce que Eric Fatland, qui est un géaniste nordique qui a beaucoup, beaucoup contribué à la connaissance de notre loisir, ce qu'il a appelé la brute force formula. Comment faire pour créer la créativité à partir de rien? Sa manière de faire, c'était en gros de définir des groupes. Donc, par exemple, les généraux des elfes veulent attaquer en premier les orques, tandis que le roi des elfes veut être plus diplomate. À l'intérieur des groupes et des sous-groupes, il y a des hiérarchies de pouvoir. Donc, par exemple, le général commande l'armée, le roi commande les diplomates. Tout le monde a des secrets individuels ou liés à l'univers. Ces secrets servent d'économie du jeu, donc on peut les échanger. Par exemple, moi je sais que le général est un traître et qu'il essaye de tuer le roi. À l'intérieur du jeu, j'ai pas fini, hein. Ouais. À l'intérieur du jeu, il y a aussi des puzzles, donc du jeu parfaitement ludique, hein, de ce qu'on peut trouver dans les jeux de société, hein. Donc il y a des choses à comprendre, hein, à l'intérieur du jeu. Et finalement, il y a des événements. Donc des événements surprenants et qui rajoutent un certain chaos à l'intérieur du jeu et qui peuvent être décidés au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'il appelle la blockbuster formula. La blockbuster formula ou brute force design, pardon. Vous pouvez trouver un article de 2015 sur nordiclarp.org. Je vais entendre tous les claviers taper. Donc on va essayer de faire ça pour 2019 à notre propre manière, hein, c'est-à-dire des groupes, des sous-groupes, des rituels, des événements qui changent effectivement un peu la donne, tout en ayant une fin programmée, puisque l'intérêt principal du design du jeu qui est prévu est de... C'est un mass LARP où on tue un tiers des PJ à la fin. Mais si vous voulez, on en parlera une autre fois. Voilà pour quelques exemples de type de design qui favorise. J'ai l'impression d'avoir manqué la fin de ta phrase, Mickaël. Tu disais favorise et il y avait quoi? L'émergence ou la créativité ludique, les solutions créatives. Finalement, ça revient à mixer les différentes techniques dont on a parlé avant. Le cadrage avec des intrigues, des oppositions, des secrets, des hiérarchies, ainsi que des événements pour rythmer le jeu. J'ai joué un jeu qui, pour moi, correspondait à ce design total. C'est les Feux de l'Agora, où il y avait vraiment tous les niveaux de jeu. Il y avait des factions correspondant à différentes cités grecques. Dans ces factions, il y avait des relations interpersonnages, des rivalités interpersonnages de plusieurs niveaux, des intrigues sentimentales, des intrigues familiales, des intrigues politiques. Il y avait des jeux, des intrigues transversales, comme de l'enquête. Il y avait du jeu politique à plus grande échelle, donc politique ou religieuse, mais ça revenait à du politique aussi. Et il y avait une menace extérieure qui rythmait le jeu par des événements réguliers, ainsi que le calendrier même du jeu, puisque ça se passait pendant à la fin des jeux corinthiens, qui sont pendant lesquels il y a une trêve, donc on n'a pas le droit de se battre pendant la trêve. Donc le premier jour était pendant la trêve, et le premier jour et demi. Puis ensuite, on était après la fin des jeux, donc après la fin de la trêve. Donc là aussi, ça rythmait le jeu, le divisait en deux parties. Et donc de ce que j'ai compris, de ce que tu présentais, finalement, il y avait toutes les techniques dont tu as parlé. Et effectivement, enfin moi, c'est l'un des deux ou trois meilleurs jeux que j'ai joué parce que j'ai eu la sensation d'avoir une expérience complète avec vraiment tous les types de jeux possibles. Alors, je vais peut-être... je vais totalement partir dans un... quelque chose qui n'a peut-être plus grand-chose à voir, mais ces temps-ci, je m'intéresse pas mal à la question d'avoir des jeux sans organisateur et organisatrice. Des jeux sans MJ, en fait. Donc, où finalement, les joueurs et joueuses sont responsables non seulement pour leur propre jeu, mais aussi pour l'organisation totale de la narration, du jeu, de ce qui va se passer pour les autres. Et alors, pour moi, ça a deux fonctions. Déjà, supprimer la notion de hiérarchie qui existe toujours en GN, notamment dans le GN français, qui est quand même très... auteur basé sur l'auteur, le fait d'être auteur, on va dire. Qu'est-ce que tu disais ? Oui, c'est ça. Donc déjà, renverser cette question de hiérarchie-là et aussi rendre aux joueurs et joueuses la place, une place centrale dans le processus de création et finalement avoir l'auteur ou l'autrice du jeu qui va poser un cadre, qui va dire bon voilà, mon jeu, voilà tel que je le jouerai et démerdez-vous quoi. En France, on est sur un modèle où c'est toujours, où c'est très souvent, il y a des exceptions bien sûr, notamment dans les jeux plus expérimentaux ou nordiques, mais c'est régulièrement l'auteur ou autrice du GN qui est aussi l'orga. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il y a une centralisation, je disais, un truc de finalement c'est mon œuvre, je la mène de A à Z, etc. Dans des jeux où on se débarrasse de ce truc-là, c'est-à-dire où c'est... ou d'autres orgas, ou les joueurs et joueuses qui vont procéder à l'organisation, on est sur quelque chose de beaucoup plus éclaté, finalement, où chaque instance du même jeu se dote de la possibilité de créer quelque chose de totalement nouveau. Donc, en fait, on est dans quelque chose une espèce de constellation d'émergence. Et c'est quelque chose que je trouve assez génial, et notamment l'idée de quand on écrit un jeu qui pourra être joué par d'autres personnes ou organisé par d'autres personnes, donner des suggestions c'est-à-dire pas des guidelines, quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la consigne, mais plutôt de la suggestion. Donc le « moi, je ferais comme ça, mais après tout, c'est vous qui allez jouer ». Alors, bah, c'est moi aussi une question que je me pose et qui m'intéresse depuis quelques années. Alors, tu disais, Axel, qu'on a une tradition française de orga, auteur égale orga. Je pense que c'est de plus en plus partagé. Bon, déjà, pour tout ce qui est les petits formats, où il y en a vraiment beaucoup en libre-service. Clé en main hein, sur le site murderparty.com. Et d'autre part, des GN plus gros, donc difficiles à être mis totalement en ligne, qui passent d'une équipe d'orga à une autre équipe d'orga. Ensuite, plus personnellement, je me suis beaucoup intéressée à cette idée de se débarrasser de l'orga. Du type de jeu romanesque. Ainsi, le silence de la neige, je l'ai écrit à la base dans l'idée qu'il pourrait se jouer sans orga présent sur place. Bon, on m'a dit que c'était quand même mieux qu'il y ait un orga présent sur place, ne serait-ce que pour le care, l'accompagnement émotionnel. Mais je pense quand même que c'est un jeu qui pourrait être totalement pris en main par les joueurs et joueuses avec un système de petite enveloppe. Bon, ben, si ton personnage meurt, va lire cette petite enveloppe et c'est toi qui gères la suite. Ou si à telle heure il n'y a pas eu de mort, ouvrez cette enveloppe pour enclencher la fin du jeu, en gros. Et d'autre part, le GN Les Danses d'une nuit d'été, là où les orgas sont aussi joueurs et joueuses. Et il y a énormément de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des mini-fiches de prévues, mais ces fiches peuvent être personnalisées, modifiées à l'envi, comme sur GN Nordique. Et ensuite, les joueurs et joueuses, les orgas, sont des joueurs et joueuses comme les autres, si ce n'est qu'on doit gérer la sono, quoi. Mais à la limite, on peut le confier à quelqu'un d'autre, puisqu'il suffit juste d'appuyer sur lecture suivante. Et par ailleurs, sur mes types de jeux, sur ces deux jeux, alors c'est né d'une contrainte personnelle, que je suis en situation de handicap, donc il y a plein de choses que je ne peux pas faire, mais du coup j'implique totalement les joueurs et joueuses dans la logistique, en particulier sur le silence de la neige. Donc pendant le jeu, ça fait partie du design, les joueurs et joueuses cuisinent pendant. Mais je leur demande aussi de l'aide en cuisine, et enfin pas seulement de l'aide, de faire de la cuisine, faire différentes choses avant et après le jeu. Donc du coup la distinction, j'essaye d'effacer le plus possible la distinction orga et joueur-joueuse pour vraiment arriver à une création collective. On n'a pas trop parlé des techniques pour décourager certains types d'émergences, alors que c'était dans le titre de la partie 3. Alors, je vais dire une banalité, mais j'ai l'impression qu'en fait, la chose qui décourage les joueurs et joueuses de pratiquer de l'émergence sauvage, on va dire, c'est de faire un bon jeu. Puisque on s'est pas mal accordé sur le fait que les émergences, comment dire, les types d'émergences, comme je disais, sauvages ou un peu, j'ai oublié les termes, mais qui n'allaient pas forcément dans le sens du jeu, c'était des choses qui résultaient d'un défaut de design. Sinon, les joueurs et joueuses sont quand même des entités chaotiques par excellence, et je pense que c'est un petit peu compliqué de les décourager de quoi que ce soit si eux-mêmes, elles-mêmes n'ont pas envie d'aller quelque part, elles n'iront pas. Comment les décourager, c'est peut-être pas au final le bon terme, décourager, puisque chaque personne qui ici a déjà fait de l'animation se reconnaîtra quand il y a une personne qui est extrêmement motivée et dynamique, mais qui fait n'importe quoi, une manière d'en faire quelque chose, c'est de la canaliser, c'est de l'écouter, et donc de canaliser, c'est-à-dire de rediriger cette énergie du côté qui nous intéresse davantage. Ça nécessite déjà de ne pas faire tout ce qu'on a dit précédemment sur le fait de ne pas écouter des personnes qui viennent avec des idées nouvelles ou qui vont à l'encontre du design. Et ça nécessite du coup de les écouter et de voir ce qu'on peut en tirer de manière à pouvoir les diriger vers quelque chose de bien. Enfin, j'ai redit exactement ce que je venais de dire. Très bien. Mais du coup, sur un GN sans présence orga, la canalisation sur place, l'écoute et la canalisation sur place n'est pas possible. Donc, il y a les choses à faire en amont dont on a déjà parlé, comme la note d'intention, etc. Mais ça peut être aussi la responsabilité des joueurs et joueuses de se gérer entre elles et eux, non ? Dans le cadre d'un GN sans orga, très probablement, puisqu'il n'y a pas d'orga. Et dans ce cas, je ne parlais pas forcément en tant qu'orga de gérer et canaliser. Moi, vu que je suis un fervent adepte du LARP hacking, je considère que tout conseil qu'on peut donner à des orgas, on peut le donner à des PJ. Donc, quand je disais canaliser, il y a quelqu'un en face de vous qui vous dit que ce rituel permet de faire venir un dragon et vous savez a priori que ce n'est pas possible dans ce jeu. Comment canaliser cette personne? Comment apporter un certain degré d'intérêt à son idée? Comment la faire vivre sans pour autant détruire le jeu? C'est quelque chose qui est faisable en tant que PJ ou en tant qu'orga. Voilà, à mon avis, canaliser, c'est pas forcément en tant qu'orga. C'est effectivement l'idée de LARP hacking et donc de n'importe qui peut prendre la main dessus dans la foulée. Axel disait, je crois, donner l'idée d'avoir des orgas intégrés un petit peu comme des PJ. C'est-à-dire des orgas dont le rôle n'a plus aucune forme de pouvoir dans le jeu. Ça peut être de l'ordre du PNJ, ça peut être aussi de l'ordre d'une sorte de vraiment de semi-PJ, d'aide PJ, qui va pouvoir influencer le jeu d'une certaine manière sans utiliser le pouvoir qu'on prête aux orgas. Donc ça, ensuite, c'est tendu de garder cet équilibre-là. Mais c'est possible aussi de ce point de vue-là. Donc, quoi qu'il en soit, même Toto PJ, même des PJ peuvent influencer ce genre de phénomène. Oui, très rapidement. En fait, je viens d'écrire un GN sur l'avortement, qui est un GN écrit pour être joué en convention, donc un GN de 2 ou 3 heures. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas. Et j'ai décidé que ce serait un GN où le MJ serait un joueur ou une joueuse volontaire et démocratiquement élu, on va dire. effectivement, l'équilibre est assez complexe à trouver. Et par ailleurs, petit placement de produit, si quelqu'un ou quelqu'une est intéressé pour faire une relecture et me donner son avis et le bêta tester, c'est avec un immense plaisir, d'autant plus que c'est un GN qui n'a pas besoin d'orga et qui n'a besoin que de 7 joueurs et joueuses, donc faites-vous plaisir. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais d'orga qui sont des PJ et pas seulement qui sont des PNJ ou des semi-PJ, etc. J'aimerais bien arriver à une forme d'auto-organisation totale des PJ, quoi. Oui, sur la façon dont je vois les choses là pour le GN où les orgas sont BJ, finalement c'est comme quand on organise une fête. Alors on est peut-être la personne qui a organisé, rassemblé les gens, qui a donné le thème, mais ensuite on fait la fête comme tout le monde. Et donc, pour moi, c'est pas, enfin, sur des jeux transparents, en tout cas, c'est pas du tout un problème de faire ça. Ensuite, de même que sur une fête, bah, on dit bon, bah, ramenez tous un truc à boire et un truc à manger. Là, on peut diviser la logistique entre les différentes personnes sur base de bon, bah, y a ça, ça à faire, qui veut faire quoi. Et ça peut être totalement co-organisé par l'ensemble des participants. En conclusion, alors je vais essayer de reprendre un petit peu les points qu'on s'est dit. On a sur la question de jusqu'où accepter l'émergence, on a commencé par faire une distinction entre les jeux libres comme les Mass LARP et les jeux structurés comme les GN romanesques. Ces derniers étant supposés être plus susceptibles d'être gâchés par une émergence qui dérape. Cependant, on a vu que l'émergence, elle peut être refusée par les orgas autant sur les uns que les autres. Ça ne dépend pas du genre de jeu. Les idées créatives, les abus de règles et tout ce qui peut sortir de ce que les orgas avaient prévu à l'origine peut être vécu comme négatif par les orgas ou par d'autres PJ. Ça ramène au final à la notion d'un pacte social qui peut être défini par une note d'intention, par des ateliers, et à la question d'à quel point le pacte social, donc ce contrat moral, est explicitement défini entre les PJ et les orgas, de manière à ce que tout le monde se l'approprie. Ça a amené à parler de responsabilité. Ça a permis de parler de responsabilité des PJ, notamment à travers le LARP hacking, mais également plus loin. Le LARP hacking, ça permettait notamment de sortir d'un rôle trop contraignant ou ennuyeux, de passer à un type de jeu qui correspond mieux à son propre plaisir de jeu, ou même d'améliorer le jeu pour tout le monde sur le cas d'un jeu qu'on croit être dysfonctionnel. Mais ça peut être un défi, parce que ça risque de déplaire parfois à des gens qui étaient d'accord sur le pacte social défini en amont avec les orgas. Donc c'est toujours quelque chose d'assez tendu. C'est pour ça que tout le monde est responsable. Et pas seulement les orgas, qui peuvent s'avérer complices d'une idée émergente à qui on peut demander l'aval, quelque part, d'améliorer une partie de leur jeu, pour intervenir sur une partie de leur jeu. On a mentionné aussi une différence de culture de jeu entre les jeux français et les jeux de type nordique. Les jeux français, où on dirait qu'il y a une responsabilité de l'équipe d'orga de fournir un environnement riche, plein d'intrigues, et jeux de type nordique où les PJ sont considérés comme créant en commun une histoire, des jeux généralement plus courts aussi, et donc où tous les PJ sont responsables de faire vivre cette histoire et d'y prendre plaisir. Donc responsables de leur propre plaisir, ils ou elles doivent agir pour que le jeu convienne à tous et à toutes. Du coup, ça nous a amené à nous poser la question: comment favoriser la liberté, comment favoriser l'émergence qui ne gâche pas le jeu? On a mentionné pas mal de choses existantes dans des GN existants. On a mentionné notamment, à mon avis, l'idée la plus prégnante, la plus intéressante et la plus originale, c'est surtout l'idée de sortir les orgas ou les personnes qui ont créé un jeu du jeu. On dirait que dans la culture de jeu française, ces personnes qui ont créé le jeu sont souvent intégrées au jeu et donc ont un certain pouvoir dessus et l'influence. Et donc, elles peuvent refuser des choses, peuvent être réfractaires au changement. Et pour en sortir, on peut, par exemple, créer des jeux où l'orga n'est pas présent, où l'orga participe comme n'importe quel PJ, où on laisse les PJ seuls avec des consignes, ou avec des enveloppes à ouvrir, ou ce genre d'idées qui responsabilise au final le groupe plutôt qu'une personne qui est responsable pour tout le monde. Au final, on a déjà une culture de l'émergence au sein de nos communautés de jeux de rôle grandeur nature. On a déjà cette culture de l'émergence. C'est juste qu'on n'appelait pas ça comme ça jusqu'à présent. Peut-être qu'on ne l'appelait même pas. On avait déjà des méthodologies qui visaient à favoriser donc cette liberté, cette créativité, cette émergence qui existaient dans plein de jeux. C'est juste qu'elles n'étaient peut-être pas explicites ou codifiées. Et cette absence de transmission orale, qui est assez propre aussi à notre structure française associative en GN, ça peut être un souci pour les personnes qui, comme Zandera ou comme moi, quand on se lance, on cherche des références sur comment faire ça. Est-ce que ça a déjà été fait plutôt que réinventer là où... Je parle peut-être à ta place, Zandera. J'espère pas. Au final, j'ai envie de finir sur une ouverture. Le jeu de rôle, Zandera me dit qu'elle est OK, que ce soit noté. Voilà, j'ai envie de finir sur un mot beaucoup plus général qui vise à dire, voilà, ce soir, on a été très peu nombreux et nombreuses à prendre la parole. Et c'est normal, c'est un sujet qui est tout nouveau. Et il faut savoir que le jeu de rôle Grande Nature, c'est vraiment un jeu qui est singulier par rapport à tous les autres jeux vidéo, jeux de société, escape game, etc. C'est un jeu qui reste encore à étudier profondément en tant que système complexe donnant lieu à de l'émergence, en tant qu'objet ludique et artistique ou même parfois cinématographique. Il reste beaucoup à étudier du jeu de rôle. Et ça peut commencer maintenant à travers ce genre de discussion. Ça fait 40 ans en fait qu'on échange déjà au sujet de nos exploits ludiques au coin du feu. Et peut-être que ça serait le moment justement d'échanger davantage, de regarder nos jeux de rôle Grande Nature sous une perspective nouvelle et de regarder notamment ce point de l'émergence que j'espère est maintenant plus clair dans la tête de certains et certaines, et se demander parmi les moments de jeu les plus glorieux qu'on a vécu, lesquels étaient dus à une forme ou à une autre d'émergence. Je voulais juste faire une petite conclusion sur la question de la transmission orale, la transmission du savoir. Donc, moi, c'est très exactement comme tu l'as dit, Michael, quand on a commencé, on réinventait l'eau chaude en refaisant les mêmes erreurs qu'avaient fait d'autres orgas 20 ans avant nous. C'est juste qu'on n'avait pas de moyens de le savoir, parce que c'était avant l'émergence des réseaux sociaux. Et là-dessus, je pense quand même qu'on a bien progressé avec l'existence aujourd'hui de sites comme Electrogène qui rassemblent des tas d'outils, avec l'écriture de plusieurs méthodes d'écriture de GN, avec donc les facilités de communication par les réseaux sociaux. Il faudrait demander leur avis à de jeunes orgas, mais je pense que c'est plus facile de se lancer dans l'organisation maintenant sans refaire des erreurs identifiées aujourd'hui que ça ne l'était il y a une dizaine d'années.